souriait dans sa peine, ses rayons de feu. Le réveil est bien douloureux. Redevenir sage, tu fais le serment pour très peu de temps. Pourtant la nuit tombée, tu ne peux pas t'empêcher de partager ta vie entre l'amour et le whisky. Tu n'as jamais vu passer.